Taïeb. Alors, on a dit qu'on était arrivé, que l'auteur, du moins, rahimahullah, il parlait de, donc de l'unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration. Et notamment l'invocation. Il avait cité de manière spécifique l'invocation. Et on était arrivé au verset justement où Allah tabaraka wa ta'ala il dit Lahu da'watul haqq. À lui appartient l'invocation de vérité. On avait expliqué une partie donc de ce. Donc on avait expliqué ce, donc ce verset. Et aussi l'auteur, rahimahullah, il commence donc à nous citer les preuves concernant l'invocation, ou du moins le fait que l'invocation soit un acte d'adoration. Et le fait qu'on doit accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un culte exclusif dans l'adoration. Et il va aussi nous montrer les preuves qui nous montrent l'unicité dans le suivi. Le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu la semaine dernière. Tayyib, et donc on revient donc à l'unicité dans l'adoration et notamment dans l'invocation. Lahu da'watul haqq. À lui appartient l'invocation de vérité. C'est-à-dire que c'est lui seul qui mérite d'être invoqué. Toute invocation en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala est caduque. Mais il est aussi voulu par là, oh cher frère, barakallahu fikoum, l'adoration, pas que l'invocation. Pourquoi? On a déjà vu précédemment que parfois on va voir dans le Coran ou dans la Sunna le terme ad-du'a, l'invocation. Il faut savoir que le terme ad-du'a s'applique pour l'invocation, mais s'applique aussi pour l'adoration. Car on a deux formes d'invocation. Notez bien. Nous avons deux formes d'invocation. Quelles sont les deux formes d'invocation? Du'a ul mas'ala wa du'a ul ibada. L'invocation dans la demande et l'invocation dans l'adoration. Je répète, nous avons deux formes d'invocation. L'invocation dans la demande et l'invocation dans l'adoration. Qu'est-ce que l'invocation dans la demande? L'invocation dans la demande, c'est toute demande que tu vas faire à Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, éloigne de moi tout mal. Oh Allah, augmente ma subsistance. Oh Allah, augmente ma science. Oh Allah, facilite-moi la hijra. Oh Allah, place-moi parmi les gens du paradis. Oh Allah, accorde-moi les hauts degrés du paradis, etc., etc. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Toute invocation que tu peux faire, on appelle cela l'invocation dans la demande. Maintenant, la deuxième forme d'invocation, l'invocation dans l'adoration. C'est tout acte d'adoration que tu peux faire. Tout acte d'adoration que tu peux faire. Si on te demande, mais pourquoi est-ce que l'adoration a été appelée invocation alors? Pourquoi est-ce que l'adoration de manière générale, le hajj, le jeûne, la salat, pourquoi est-ce que tout cela s'appelle invocation? Eh bien, c'est tout simple. Parce que lorsque tu fais ton acte d'adoration, lorsque tu vas partir au hajj, lorsque tu jeûnes Ramadan, lorsque tu jeûnes Sittat Ayyam min Shawwal, c'est comme si tu demandes à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, Ya Allah, ô Seigneur, Ya Rabb, permets-moi de rentrer au paradis. Fais que cet acte que je viens d'accomplir soit accepté et fasse que ça soit une cause me permettant d'entrer au paradis. Et donc, cet acte d'adoration que tu viens de faire, c'est comme si tu demandes à ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala de l'accepter et de faire que cet acte te permette de rentrer au paradis. Voilà pourquoi les savants, ils ont appelé aussi l'adoration invocation. Voilà pourquoi ils l'ont appelé invocation. Tayyib, on continue, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, et Allah ta'ala a dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكِبِيرُ. Cela, car Allah est la vérité, le juste. Et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et que Allah est celui qui est le très haut, le très grand. Et donc il y a dans ce verset, barakallahu fikoum, la preuve quant au caractère caduque qu'il y a dans le fait d'adorer autre qu'Allah et d'invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala, et que toute autre divinité en dehors d'Allah est une divinité caduque, une divinité qui ne mérite pas l'adoration. Et donc, vu que cette divinité est caduque, et donc l'acte d'adoration lui-même va être caduque. Regardez dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa annama yad'una min dunihi huwa al-batil. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est caduque. Et donc, vu que ce qu'ils invoquent est caduque, et donc leur invocation elle-même, elle est caduque. Voilà pourquoi, lorsque tu invoques autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque l'individu invoque autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, son invocation, elle est caduque. Son invocation, elle est batila. Elle ne vaut rien. Puisque de toute façon, il invoque une divinité qui est caduque. Et ensuite, l'auteur qui nous dit « wal ayatu ma'lumat » et certes, les versets en ce sujet sont connus. C'est-à-dire qu'ils sont connus et nombreux. Et subhanallah, ô cher frère, barakallahu fikoum, ce sujet-là, ça me rappelle al-usul sitta, les six fondements. Les six fondements du même auteur, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Dans son livre, les six fondements, il nous cite un point important. Parce qu'on vient de voir, barakallahu fikoum les frères, on vient de voir des preuves, on a déjà vu la semaine dernière, avant cela, on a vu plein de preuves qui montrent que Allah, tabaraka wa ta'ala, est le seul à mériter l'adoration. Personne d'autre que lui, tabaraka wa ta'ala, ne mérite l'adoration. Et donc, comment se fait-il? Est-ce que cela n'est pas clair dans le Coran? Oui, c'est clair dans le Coran. C'est très clair. Mais malgré cela, les gens font autre que ce qui leur est demandé. C'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, dans Usul al-Sitta, le premier fondement qu'il nous cite, c'est le sujet du tawhid. Le sujet du tawhid. Et d'ailleurs, dans la Muqaddima, dans l'introduction de l'Usul al-Sitta, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, « min a'jab al-ujab » parmi les choses les plus surprenantes. وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. Et parmi les plus grands signes qui montrent la puissance de El Malik, le maître El Ghallab, celui qui a autorité sur toutes choses. Sittat usul, six fondements. بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. Allah les a clairement éclaircis, ces six fondements, d'une manière qui est claire, qui est suffisamment claire pour les gens de la masse. Pour les gens de la masse, tout le monde comprend. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah et ne lui accorder aucun associé. C'est clair ça dans le Coran. C'est tellement clair. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne comprennent pas? Qu'est-ce qui fait que les gens se sont éloignés de ça? Pourtant, c'est clair, tu vas voir des gens qui lisent le Coran, etc., et qui font. Mais le Coran tout entier, il appelle au tawhid, au fait d'adorer Allah seul. Comment ça? Il est où le problème? Il est important, chers frères, de chercher où est le problème. Le problème, il faut qu'on apprenne notre religion, et qu'on se soumette au texte, qu'on délaisse toute forme de passion. Car une personne, lorsqu'elle est touchée par la passion, elle va avoir énormément de preuves qui lui seront montrées, elle va les rejeter. Elle ne va pas accepter les preuves. Le Coran de A à Z, du début à la fin, le Coran, il appelle au tawhid. La personne, elle va lire toutes ses preuves, elle ne va pas les accepter. Et donc, il est important aux chers frères que on délaisse toute forme de passion, tout suivi des passions. Et l'auteur qui nous dit après cela, rahimahullah, wa qala ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Et ce avec quoi vous est venu le messager, prenez-le. Mais ce qu'il vous a interdit, alors délaissez-le. On voit dans ce verset l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le fait de prendre sa sunna. Et il y a une réplique dans ce verset au Qur'an Yun. Et tous ceux qui les suivent, qui appellent les gens à délaisser la sunna, à délaisser le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas te passer de la sunna. L'auteur qui continue et qui nous dit, qui nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurur rahim. » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah certes est pardonneur et miséricordieux. Il y a dans ce verset le fait qu'il est obligatoire encore une fois de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans ce verset l'ikhtibar, l'évaluation, l'examen. On est en fin d'année. Certains se préparent pour les examens scolaires. Hein? Certains se préparent pour les examens universitaires, etc., etc. Chacun peut s'examiner tous les jours, à tout instant. Si on demande à n'importe qui dans la mosquée ou qui entend ce cours ou cet audio, n'importe qui, parmi ceux qui s'affilient à l'islam, on leur demande, est-ce que tu aimes Allah? D'accord, tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui. Toi, tu vois une personne qui te dit, la ilaha illallah, on lui demande, est-ce que tu aimes Allah? Elle te dit non. Tu vois ça? Non. La yu'qal. On ne peut même pas imaginer ça. Et donc, ici, barakallahu fikoum, tout le monde va dire oui. Oui, on aime Allah. Tayyib, est-ce que ta parole est en accord avec la réalité? Si tu aimes Allah, dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, est-ce que tu suis le prophète? Et là, tu verras si tu es sincère lorsque tu dis que tu aimes Allah. Et en fonction de ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connaîtras ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu connaîtras ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu aimes Allah, suis son prophète. Voilà ce que tu dois faire. Et ceci est un examen que nous vivons tous les jours, à chaque instant, à chaque épreuve. Lorsque tu vas au travail, lorsque tu sors, que tu es avec tes amis, que tu es à la maison avec ta famille, regarde à tout instant, est-ce que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il nous a même montré comment faire lorsque nous faisons nos besoins, les rapports avec nos épouses, l'éducation de nos enfants, tout. Il nous a tout montré. Maintenant, regarde-toi, est-ce que tu le suis ou pas? Et en fonction de cela, tu connaîtras le degré de ton amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, nous devons chercher, ô chers frères, à améliorer, renforcer, augmenter notre amour pour notre Seigneur, notre Créateur. Et cela, en suivant le prophète qu'il a envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous dit « wa amma thalif » en ce qui concerne le troisième. C'est-à-dire, le troisième type de tawhid. On a déjà vu précédemment l'unicité dans la création, l'unicité donc dans al-Rububiyya, dans la seigneurie, l'unicité dans al-Uluhiyya, l'adoration. Et maintenant, fahuwa tawhidu al-dhati wal-asma'i was-sifat. Il nous dit c'est l'unicité de l'être, des noms et des attributs. Certains, c'est la première fois qu'ils vont entendre ça, peut-être. De l'être, l'unicité de l'être, al-dhat. Ici, on parle de l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi est-ce que l'auteur, il a rajouté le terme al-dhat? Pourquoi est-ce qu'il a rajouté cela? Premièrement, pour montrer que cela fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, al-dhat. De la même façon qu'on a al-nafs aussi. Et deuxièmement, pour nous montrer un point important dans la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui est que la croyance que nous avons concernant l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala est la même que nous avons concernant ses noms et ses attributs. La même que nous avons concernant ses noms et ses attributs. Vous allez comprendre. Il y a des personnes qui ont dévié dans ce sujet. Le sujet des noms et des attributs. Ils vont rejeter les noms et attributs d'Allah ou alors les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le fait d'affirmer qu'il y a plusieurs attributs revient à dire qu'il y a plusieurs divinités. Plus il y a d'attributs, plus il y a de divinités. Bien entendu, c'est un grand manque de compréhension, comme on pourra le voir, bi'idnillahi ta'ala, durant ce cours et les cours précédents. Tayyib. Et donc, la question qu'on pose, par exemple, ces gens qui vont nous dire qu'on ne peut pas dire que Allah s'est établi sur le trône. On ne peut pas dire que Allah s'est établi sur le trône. Et lorsqu'ils viennent te voir, ils te disent comment il s'est établi sur le trône, hein, comme il a posé cette question à l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Et donc, ces personnes viennent, on prend l'exemple de l'istiwa, celui qui donc rejette cet attribut, et qui te demande comment Allah s'est établi sur le trône. Eh bien, tu lui demandes, est-ce que tu crois en l'être d'Allah, al-dhat? Puisqu'il croit en l'être. Ok, Tayyib, vous croyez en l'être? Tayyib, comment est l'être d'Allah? Comment est l'être d'Allah? Mais réponds à ma question. On ne sait pas. Tayyib, de la même manière, on ne sait pas comment Allah s'est établi sur son trône. Et donc, ne viens pas me dire qu'on doit rejeter cet attribut parce que si tu affirmes que Allah s'est établi sur le trône, ça veut dire qu'il est comme ça ou qu'il est assis ou ci ou ci ou ça. Mais non, on ne sait pas comment il s'est établi sur son trône. De la même manière qu'on ne sait pas comment est son être. Et donc, la règle chez Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est que nous appliquons concernant les attributs les mêmes règles que nous appliquons concernant l'être. Et nous disons aux gens qui ont dévié dans ce sujet, pourquoi est-ce que vous faites la différence entre l'être et l'attribut? Pourquoi est-ce que vous faites la différence entre les deux? Et ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et la parole d'Allah Ta'ala, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Inch'Allah, j'espère qu'on va pouvoir finir tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Mais subhanallah, en lisant ces versets, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallah, on est dans une ni'ma, les frères. On est dans une ni'ma, walillahi alhamd. Surat al-Ikhlas dit, il est Allah l'unique. As-Samad, celui qui se passe de tous et tous ont besoin de lui. Tous reviennent vers lui. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'a aucun égal. Cette sourate qui contient les trois types de tawhid que nous avons vus précédemment. Cette sourate qui représente Thuluthul Qur'an, le tiers du Qur'an, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, le tiers du Qur'an, ce qui est voulu par là, c'est dans Al-Jaza, la récompense. Mais ce n'est pas dans l'application, ce qui est voulu ici. C'est-à-dire que si une personne, elle nous dit, ce soir, je vais lire le tiers du Coran. Bismillah, ce soir, je suis motivé, ce soir, je lis le tiers du Coran. Ou alors, entre Maghrib et Isha, puisque vous, votre cours, c'est entre Maghrib et Isha, le frère, il nous dit, dès que Abdul Karim, il finit son cours, je me pose, je récite le tiers du Coran jusqu'au Isha. Yallah. On finit le cours, le frère il commence Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est bon, j'ai lu le tiers du Coran. On le regarde, on dit non mon frère, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que cette sourate, elle représente le tiers du Coran, c'est-à-dire dans la récompense. Dans la récompense. Mais si tu lis trois fois Kul huwallahu ahad, et donc tu n'auras pas lu trois tiers, c'est-à-dire tu n'auras pas lu le Coran entier, tu auras lu trois fois Kul huwallahu ahad. Et donc il est important de comprendre cela. Il y a dans cette sourate, barakallahu fikum, une réplique à Al-Mu'attila. Ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et qui prétendent, comme on a dit précédemment, ils prétendent que le fait d'avoir plusieurs attributs implique ou va entraîner le fait d'avoir plusieurs divinités. Et donc si tu me dis l'attribut de la miséricorde, hein, l'attribut de donner la vie, l'attribut de donner la mort, l'attribut de création, ça fait quatre attributs, allez hop, quatre divinités. Il y a dans cette sourate une réplique à ces gens-là. Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé dans cette sourate l'attribut de la divinisation. Kul huwa Allah, c'est lui Allah. On a déjà vu le nom Allah qui veut dire Al-Ma'boud, Al-Ma'lou, celui qui est adoré, celui qui est divinisé. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre déjà dans cette sourate l'attribut de la divinisation. Et ensuite il nous montre un autre attribut qui est As-Samadiyya. Quand il nous dit As-Samad, qu'est-ce qui est voulu par As-Samad? On a déjà dit celui qui se passe de tous et dont tous ont besoin de lui. On a ici deux attributs différents. Pourtant, malgré le fait qu'on a deux attributs différents, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Kul huwa Allahu ahad » unique. Et donc, le fait d'avoir plusieurs attributs n'entraîne pas du tout le fait d'avoir plusieurs divinités. Allah est unique et il a plusieurs attributs. D'ailleurs, le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il nous dit que toutes être qui existe a forcément plusieurs attributs. On a forcément plusieurs attributs. Premièrement, l'attribut de l'existence, le fait d'exister. Ça fait déjà un. Tu existes, ça fait déjà un attribut, le fait que tu existes. Deuxièmement, on a l'attribut de mort ou de vie. Parce que si tu existes, soit tu es vivant, soit tu es mort. Soit tu es vivant, soit tu es mort. Et donc là, ça fait déjà deux attributs. Et après, on rentre dans les autres et après, ainsi de suite. Et donc, tout être qui existe a forcément plusieurs attributs. Et cela ne veut aucunement dire qu'il y a plusieurs êtres ou plusieurs divinités. Tayyib. Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil respectif, As-Sahihain, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un groupe d'hommes dont un était responsable d'eux. Et cet homme, il récitait, donc durant les prières, il récitait à chaque fois avec « Qul huwallahu ahad » Surat al-Ikhlas. Aïcha radhiyallahu anha, elle nous dit « Falamma raja'u dhakaru dhalika linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam » Lorsqu'ils sont revenus, ils ont cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik » Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il fait cela. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ?« Fasa'aluhu faqal li annaha sifatur rahman » لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. Il a dit parce que cette sourate, parce que celle-ci est l'attribut de mon Seigneur, l'attribut de Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et j'aime réciter celle-ci, cette sourate. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit « Ah, comment est-ce que tu as affirmé un attribut pour Allah ? Comment est-ce que tu... » Le prophète, il n'a pas dit ça. « Comment affirmer un attribut pour Allah ? Est-ce que tu fais ressembler Allah à ses créatures ? Est-ce que tu vas dire que Allah... il y a plusieurs divinités parce qu'il y a plusieurs attributs. Attention, c'est pas dès qu'on voit un verset dans le Coran, il faut pas affirmer les attributs. Il a pas dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Informez-le qu'Allah l'aime. Al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution est du même genre que l'œuvre, comme on a déjà vu précédemment, de la même façon que cet homme aime l'attribut de son Seigneur. Il aime réciter cette sourate. La rétribution est que Allah l'aime. Ya Abdallah, tu veux que Allah t'aime? Aime-le, suis son prophète. Tu veux qu'Allah t'aime? Aime-le, suis son prophète. Et donc nous devons, chers frères, barakallahu fikoum, affirmer tous les attributs qu'il y a dans les textes authentiques, le Coran et la Sunna. Et il y a aussi dans cette sourate le fait de rejeter les attributs qu'Allah a rejetés le concernant. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate, il nous dit « Lam yalid wa lam yulad » Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et donc il a rejeté cet attribut, ces attributs. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ et n'a aucun semblable. Et donc il a rejeté cet attribut. Et donc il y a aussi le fait que nous devons rejeter tous les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rejetés le concernant et en même temps affirmer le contraire de cela. En même temps que tu rejettes l'attribut, tu affirmes son contraire. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas engendré et n'a pas été engendré parce que c'est lui As-Samad. Il se passe de tous, n'a besoin de personne. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de semblable car c'est lui Allah l'unique. Et donc tu rejettes l'attribut qu'Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté le concernant et tu affirmes son opposé. Et il y a aussi dans cette sourate une réplique à ceux qui prétendent que Allah tabaraka wa ta'ala par ses attributs il ressemble à ses créatures. Ceux qui vont dire que le fait d'affirmer la main, donc signifie que les créatures, que Allah a la même main que ses créatures, etc., etc., etc. Pourtant, Allah il le dit, « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad » Il n'a aucun semblable. Il n'a aucun semblable, tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est très important de comprendre ce sujet. Ce sujet aussi fait partie du tawhid. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous cite un autre verset, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ceci, par ces noms-là. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et délaissez ceux qui ont dévié concernant ces noms. C'est يُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils seront rétribués en fonction de ce qu'ils ont accompli. Ô chers frères, barakallahu fikoum, Allah est celui qui a les plus beaux noms. Comment est-ce que certains vont rejeter les attributs? Ils vont donc rejeter les sens qu'il y a dans ces noms. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit qu'il est le Très-Haut, et donc il a l'attribut de... Donc, il a cet attribut, le fait d'être le Très-Haut. El-Aziz, El-Izza, la puissance. El-Khaliq, le Créateur, donc celui qui crée. Comment est-ce que tu vas rejeter les sens qu'il y a dans les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Si tu rejettes le sens qu'il y a dans ces noms, tu diminues la beauté du nom. Et pourtant, Allah, il le dit, « Walillahi asma'ul husna » à Allah appartient les plus beaux noms. Il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, comment invoquer, adorer une divinité qui n'a aucun attribut? Une divinité qui n'a aucun attribut, qui ne fait pas miséricorde, qui ne crée pas, qui ne fait pas, qui ne fait pas, qui ne fait pas, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça, qui n'a pas ci, qui n'a pas ça. Une divinité qui n'a rien. Comment? Qui peut faire ça? Et donc le fait d'affirmer le sens des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala et d'affirmer les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie de la croyance au nom d'Allah, les plus beaux noms. Et enfin l'auteur qui nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable et il est as-sami' Al-Basir, celui qui entend tout et qui voit tout. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, il y a en cela une réplique aux deux groupes. Ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah et ceux qui prétendent que Allah ressemble à ses créatures. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Et donc, ça, c'est une réplique à ceux qui prétendent que Allah ressemble à ses créatures. Et il est celui qui entend tout et voit tout. Il y a ici une réplique à ceux qui rejettent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisque Allah a affirmé cela le concernant. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue la semaine prochaine avec un autre sujet. Là, l'auteur va commencer à aborder le sujet du polythéisme. Donc, les différents types de polythéisme, on verra ça la semaine prochaine, inshallah ta'ala, waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.